Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Baldwin, l'exilé de Paris, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Sharif Gattaz, réalisée par Cédric Ossir. La fiction d'aujourd'hui nous raconte l'histoire de James Baldwin, héros, saint et martyr. L'écrivain américain, né à New York en 1924, exilé à Paris en 1948 et mort à Saint-Paul-de-Vence le 1er décembre 1987, James Baldwin a milité pour les droits civiques des Noirs la plus grande partie de sa vie. À travers ses livres et à travers ses actes, il nous parle plus que jamais être noir aux États-Unis en 1950 et être un homme aujourd'hui. Tout est lié chez Baldwin. La condition des Afro-Américains et le destin des États-Unis, le mensonge sur lequel est construit le pays et comment ira le monde demain. Baldwin a inventé la notion de nègre. Noir, homosexuel, croyant, élevé par un pasteur, prêchant lui-même, il n'accolait à aucune communauté. C'est pour cela qu'il fut détesté, mais c'est aussi grâce à cela qu'il put parler à tous. Baldwin était tout simplement un homme honnête et courageux. Ce qu'il dénonce par-dessus tout, c'est le mensonge, cette incapacité pour beaucoup de ne pas vouloir assumer ses propres fautes, les diverses manières de se défausser sur l'autre. James Baldwin est l'auteur de romans, bien sûr, comme La Conversion, Sibyl Street pouvait parler, ou encore La Chambre de Giovanni, et enfin I'm Not Your Negro, mais il a aussi écrit des pièces de théâtre, des essais, des nouvelles et des poésies. Une prose forte, lyrique, puissante. D'ailleurs, voici un extrait de Sibyl Street pouvait parler. Folly avait trouvé quelque chose qu'il pouvait faire, qu'il voulait faire, et c'est ce qui l'a sauvé de la mort, qui attendait tant d'enfants de notre âge. On avait dit aux gosses qu'il n'était que de la merde, et tout ce qu'ils voyaient autour d'eux le confirmait. Il luttait, luttait tant qu'il pouvait, mais il finissait par tomber comme des mouches. Ils s'entassaient sur les détritus de leur vie comme des mouches. Lui n'était le nègre de personne. Et ça, c'est un crime dans cette pourriture de pays libre. Vous êtes censé être le nègre de quelqu'un, et si vous n'êtes le nègre de personne, vous êtes un mauvais nègre. C'est ce que conclurent les flics quand Fanny s'installa hors de Harlem. Voilà, après la fiction, pour nous aider à connaître encore mieux James Baldwin, dont vous venez de voir un échantillon de l'écriture, nous retrouverons Virginie Depardieu, l'auteur du livre James Baldwin, chez Belin. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Baldwin, l'exilé de Paris, de Sharif Gattaz. Réalisation, Cédric Ossir. Steak, la saucisse de la 12, un Michel Gagné à la 5 et deux cafés en terrasse. Ok, c'est parti. Jimmy, t'oublies la commande du gros assis près de la fenêtre. Je n'oublie rien, Eugène. Il agite les bras depuis tout à l'heure. Oui, oui, t'inquiète. Je le vois, mais je fais comme si... Tu piges ? Tu connais ce blanc ? Il vient chaque mercredi. Il s'assoit toujours à la même table. Mais pourquoi tu le sers pas ? Parce que. Parce que quoi ? On en a déjà parlé. Il t'a fait quelque chose de particulier ? Ce sont pas les actes qui comptent, Eugène. L'attitude, le comportement, c'est important ça aussi. L'attitude ? Mais moi je vois un gros blanc dégoulinant de sueur, prêt à vendre père et mère pour une gorgée de bière fraîche. Prêt à vendre père et mère, c'est certain. Mais prêt à se comporter comme un être humain digne de ce nom ? J'ai des doutes. T'es fort, Jimmy. Dis pas de conneries, je suis ni fort ni rien du tout. Je suis comme les autres, j'ai besoin d'argent. De travail et d'argent pour aider ma mère à donner à bouffer à mes frères et sœurs, point. Et ça marche pas. Y a que des petits boulots qui rapportent trop maigre. Quoi ? Tireur de pompe ? Laveur de carreaux ? En Amérique, rien de bon ne peut arriver à des gars comme toi et moi. À des nègres. Des sales nègres, tu sais. Mais ce gros-là, assis sur son cul près de la fenêtre, tant qu'il n'aura pas compris qu'il n'est blanc que dans la mesure où il pense l'être... Que dans la mesure où il me voit, moi, comme un noir, et uniquement comme un noir, et que par conséquent son attitude s'en trouve modifiée, changée, transformée, enorgueillie même de je ne sais quelle chose qu'il croit détenir en héritage, tu vois ce dont je veux parler? Eh ben, il peut toujours godiller des bras et du cul sur sa chaise, sa bière restera pour lui comme un mirage dans le désert. Et sa soif ne sera pas épanchée. Je jure devant le Tout-Puissant. Eh, Eugène, tu veux que je te dise ? Le nègre, c'est lui. Qu'est-ce que t'as ? Waouh ! Quoi ? Rien, c'est ce que tu viens de balancer, là. Comme ça, comme si de rien n'était, en dressant tes petites assiettes. Comme si tout ça coulait de source pour toi, c'est... Moi, ça m'épate. Tu vois, ça m'impressionne. Te fous pas de moi, s'il te plaît. J'ai l'air de me foutre de toi ? Faut que je... Oh, ok, vas-y. Non, mais sinon, je vais me faire engueuler. New York, 1944. Sans déconner, tu veux pas l'écrire, ça ? Ça quoi, Gilles ? Finis ta bière et retourne chercher un boulot, au lieu de dire n'importe quoi. Écoute, tu dis partout que tu veux devenir écrivain, pas vrai ? Je vois pas le rapport. Eh ben, commence par écrire ce que tu viens de me dire. Écris-le, noir sur blanc. Quoi ? Pourquoi tu me regardes comme ça ? Très drôle, ça. Noir sur blanc, c'est très bon. Mais je déconne pas, Jimmy. T'as un sacré talent. C'est pour ça qu'à l'église, les gens t'écoutaient. Tu sais comment parler aux gens. Tu sais parler des choses importantes, des choses qui vont droit au cœur et à la tête. C'est pas donné à n'importe qui, ça. Mais j'aimerais bien, moi. Putain de merde, je rêverais de savoir faire un truc pareil. Parler des choses importantes qui vont droit au cœur et droit à la tête. Mais je sais pas faire. À peine je m'arrête pour réfléchir à... Bah, tu vois, je sais même pas à quoi je réfléchis quand je m'arrête pour le faire, pour réfléchir, justement. Et c'est pas faute d'essayer. Pas faute de vouloir ordonner mes idées, suivre le fil de ma pensée pour la sentir se former, se structurer jusqu'à faire bloc. Comme une armée. Mais moi, c'est tout de suite la pagaille dans ma tête. Et ensuite... Ensuite ? Bah, ensuite, l'équipage se met à boire, l'armée se divise. Ma pensée fout le camp. On me jette dehors, à coups de pompe dans le fion. On me cogne sur la gueule sur un coin de trottoir, on m'insulte. Négro, singe, rat. On me maltraite, on m'humilie, on me crache au visage. Et moi, comme un idiot, je me traîne, je rampe. À boire ! À boire, je vous en prie. Je demande à boire encore. Mais je bois jusqu'à faire naufrage, Jimmy. Et... ben, je me noie. Il y en a plein d'autres comme moi, remarque. Hein. Et il y en a même qui se font trouer la peau à Harlem. Enfin... Et Eugène ? Ouais. Allez ! Ouais. Faut se battre. Ouais, je sais. Et puis regarde, t'as beau dire, tout ce que j'ai envoyé aux éditeurs a pour le moment été refusé. Alors pour le sacré talent, tu repasseras. Mais que dalle ! C'est pas une raison suffisante pour abandonner ? Je sais pas ce qu'il te faut. De toutes les façons, je veux pas être un noir qui écrit, tu comprends ? Je veux être écrivain. Mais tu dois continuer, persévérer. Richard Wright ? On s'en fout, Wright c'est Wright. Et toi, tu es toi, James Baldwin. Mais non, là ! Wright ! C'est Richard Wright. Où ça ? Mais là, sous nos yeux. Où ça, bon sang ? Là, sur le trottoir, Eugène. Juste là, devant le Calypso. Devant le restaurant, c'est Richard Wright. Cet homme est déjà une légende. Cet homme a écrit Native Son. C'est lui qui l'a écrit bon sang, avec ses mains, mot après mot, phrase après phrase. Mais bah, qu'est-ce que t'attends ? Comment ? Tu comptes rester planté là, derrière ton bar, regarder ta légende, te passer sous le nez sans rien faire ? Qu'est-ce que je peux bien faire d'autre ? Mais aller lui parler, par exemple. Ça me paraît une option. Enfin, tu fais comme tu veux. Moi, je me tire, mon verre est vide. Eugène ! Allez ! Salut, barman ! Eugène ! Non ! Qu'est-ce qu'il fout, bon sang ? Vous n'auriez pas des allumettes par hasard ? Casse-toi ! Allez, t'as eu ton allumette, tu te casses maintenant ! Qu'est-ce qu'il lui raconte ? Ne fais pas ça, Eugène Worth. Ne le fais pas. Oh merde ! Il est en train de le faire, cet abruti. Il est en train de lui parler. Lui parler de moi ? Misère, je suis cuit. Il va lui raconter n'importe quoi, c'est sûr. James Baldwin, tu connais pas Richard ? C'est un tort. Un jeune écrivain, noir et pédé avec ça ? Fais pas la fine bouche, Richard. Va donc lui serrer la main. C'est le cure-dent qu'on aperçoit derrière le zinc. Merde alors. Et voilà Eugène s'en tire à bon compte et s'en va en sifflotant. C'est ça, salut espèce de traître. Et moi me v'là en face de la personne que j'admire le plus au monde. Bonjour Monsieur Wright. Bienvenue au Calypso. Tu es James Baldwin ? Oui. Tu es écrivain à ce qui paraît. Négro, singe, à boire. À boire. À boire. Jusqu'à faire naufrage. Nuit du 11 novembre 1948. Eugène. Mon ami. Mon frère. Maintenant que tu es mort, je peux bien te dire en face ce que tu savais sans doute déjà. J'aurais bien voulu t'aimer un peu. J'aurais bien voulu que nous soyons amants, toi et moi. Mais toi, espèce de connard, t'as préféré faire un bras d'honneur à cette chaîne d'existence de merde. Dans cette Amérique qui nous étouffe et nous étrangle. Cette terre n'est pas la propriété des Blancs. Mais jusque dans la Bible, c'est ce qu'ils veulent nous faire avaler. Depuis que t'as sauté la tête la première dans l'Hudson, eh ben moi ça va pas fort, tu sais. J'ai cherché la bagarre. J'ai cherché l'incident, tu vois. Un jour du mois d'août, je suis rentré dans un restaurant réservé aux Blancs. J'ai fait ça exprès. Je savais qu'on ne m'y servirait pas. Mais je cherchais quelque chose. Des emmerdes. Ou la mort, peut-être. Quand la serveuse est venue me donner l'ordre de décamper, t'aurais dû voir ça. Ma mâchoire. Ma mâchoire s'est contractée. Mes dents me faisaient mal. Un filet de salive toute blanche s'est coagulé aux commissures de mes lèvres. Et mes poings se sont serrés jusqu'à devenir durs comme des cailloux. Et mes yeux se sont levés sur elle. Ils étaient remplis de sang. Tant et si bien que j'ai cru qu'ils allaient sortir de leur orbite. La haine gêne. Oui, à cet instant précis, la haine m'a habité. J'ai pensé à mon père et à la haine qui l'avait habité toute sa vie. Je suis devenu une sorte de blanc moi aussi. Avec la haine dans les veines. Alors je lui ai jeté mon verre au visage, de toutes mes forces. Et j'ai couru, couru le plus vite possible jusqu'au trottoir de Harlem, jusqu'à chez ma mère pour pleurer dans ses bras, pour l'embrasser, lui dire que j'allais partir, quitter New York, pour aller en Europe, en France, à Paris. Que je peux faire pour vous? Mon nom est James Baldwin. Baldwin, oui, je connais ce nom, bien sûr. Vous êtes seul, Bello? Oui, en personne, je t'en prie, entre. Richard est justement en train de déboucher une bouteille de vin rouge. Tu viens d'où, comme ça? De New York. New York? Quoi? Là, tu arrives tout juste? Non, non, mais c'est une histoire compliquée, je... C'est qui? Richard! C'est James Baldwin. Baldwin? Ah, écoute-moi bien, Saul. Ce type est parisien depuis des mois et ce n'est que maintenant qu'il vient toquer à ma porte. Ah, la jeunesse de nos jours. Aucune correction. Qu'est-ce que tu fous, bon sang? Je t'attendais plus. Je croise Dubois rue de Rennes, il me dit. T'as vu que le jeune Baldwin est à Paris? Il habite à la rue de Verneuil. 3 semaines plus tard, je le croise à nouveau rue Saint-Benoît, il me refait le coup. Alors, et Baldwin, toujours pas vu? Toujours rue de Verneuil, je lui demande. Non, il me fait. Il est rue du Dragon à présent. Tu vas trop vite pour moi, James. Je n'arrive pas à suivre. Allez, trinquons. Santé, les amis. Chin. Oui, santé. Alors, toujours eu du Dragon ou... Eh non, je me suis fait virer ce matin. Enfin, virer, c'est pas exactement... C'est une histoire... Compliquée. Voilà. Toutes les histoires d'amour le sont. Sans doute. Tu cherches un toit ou je fais fausse route? Si vous entendez parler de quelque chose de pas cher, je suis pas contre. On va bien trouver une piole dans le quartier. En attendant, tu es ici chez toi. C'est pas le Ritz, mais ça te dépannera. Merci Richard, c'est... Merci beaucoup. Richard dit que tu es un homme prometteur. Pas qu'un homme prometteur, un écrivain aussi. Enfin, d'après ce que James m'a donné à lire. On m'a parlé de tes articles. Ils ont fait fureur à New York, à ce qu'il paraît. Ouais, enfin, je sais pas trop. Je voudrais écrire autre chose. Être capable d'autre chose. Et c'est pour ça que tu es à Paris ? Disons que... C'est une histoire compliquée. Ouais. J'ai rencontré James en 44. T'avais quoi ? 20 ans à tout casser ? Native Son était devenu un best-seller. J'étais... Comment dire ? C'était très intimidant pour moi de rencontrer Richard Wright. Oh. Alors, on s'est mis à boire quelques verres de bourbon à cause de choses et d'autres, tu sais, les mouvements, les émeutes, la Harlem Renaissance, toutes ces choses, et puis pris d'exaltation devant... Mon idole. Si, c'est ça, Richard, il n'y a pas d'autre mot. Alors je balance comme ça, sans trop réfléchir, que j'ai chez moi un bon tiers d'un roman en cours d'écriture. Et c'était vrai ? Non. C'était faux. Non. Pourquoi t'as fait une chose pareille ? C'est tordu comme procédé. Et risqué avec ça. Je sais bien, mais... C'était faux, mais c'était pas complètement un mensonge. J'avais quelques pages planquées dans un tiroir. Combien ? Laisse tomber, ce mec est fou. Moi, sur le moment, séduit par le bonhomme, je me dis « Fantastique ! Donne-le-moi donc à lire ce roman !» C'est aussi ce que j'aurais demandé. Oui, et ben James Baldwin, lui, il est rentré s'enfermer chez lui pendant plusieurs jours et il est revenu me voir avec 60 pages d'un premier roman. Que tu as aimé, bien sûr. Que j'ai aimé, oui. J'y pense. Qu'est-ce que tu fais ce soir, James ? On va rejoindre Sartre et les autres pour un concert de Josephine Baker. Viens, on te présentera à tout le monde. Merci, mais j'ai un rendez-vous avec Georges Salamos ce soir. Il lance une revue et voudrait que j'écrive un article qui mêlerait politique et littérature pour le premier numéro. Tu as une idée de ce que tu vas lui proposer ? Ouais, j'ai une idée. D'opposition ne sont que des fantaisies qui ne collent nulle part à la réalité. Point. On court le risque d'être taxé de légèreté et même de décadence. Si l'on insinue que ces livres sont à la fois mal écrits et follement invraisemblables, les romans d'opposition ne sont que des fantaisies qui ne collent nulle part à la réalité. Désolé, Richard. Je sais que tu vas m'en vouloir à mort. Mais la vérité, c'est que les clichés de tes romans font infiniment plus de mal que de bien aux noirs américains. Et ça, je ne peux le taire plus longtemps. Les petits dorment ? Oui, ça y est. On dîne ? Je n'ai pas faim. T'as pas faim, mais tu as soif à ce que je vois. Oh, je t'en prie, Hélène. Je suis vraiment... Vraiment pas d'humeur, je sais. Mais tu bois trop, Richard. Tu bois tout le temps. La petite ordure. Après tout ce que nous avons fait pour lui. James veut me casser, moi et mes livres. Il veut... C'est un grand classique. Il veut ta place, Richard. C'est un jeune loup. C'était prévisible. Écoute ça. Dans son roman Native Son, le personnage de Wright n'est autre que le descendant de l'oncle Tom, la chair de sa chair, bien loin de la réalité quotidienne, privé de la banale cruauté de l'existence des Noirs américains. Je t'épargne le reste. Oui, épargne-moi. J'ai déjà lu son torchon. Écoute, c'est sans envergure, c'est rien du tout, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Tout le monde me tombe dessus maintenant. On me reproche de vivre dans une tour d'ivoire, perchée, coupée du monde réel, des vrais problèmes de mes frères noirs. Ça ne compte pas. On me dit que je ne connais rien à mon propre pays, à ma propre ville natale, à ma propre race. Ça compte, Hélène. Plus que tu ne crois. Arrête de boire, Richard. Où tu vas ? Richard ! Richard. Salut. Salut. Tu veux entrer ? T'as quelque chose à boire ? C'est Minus ici. Excuse la pagaille. Mais... Ça va, je m'en fous. Je suis pas venu faire une visite de courtoisie. Ah. Non mais qu'est-ce que tu t'imagines ? Que tu vas me marcher sur le coin de la gueule et que je vais venir te féliciter en plus ? Louer ton talent de script de mes deux ? Qu'est-ce que tu crois ? Je vois clair dans ton jeu de pervers. Si c'est pour m'insulter que t'es mieux, Richard, ça... Ferme-la, Jimmy. Ok. Ferme bien ta grande gueule. Je vois. Ouais. Je cause d'abord et toi, tu écoutes. Ok, très bien, Richard. Mais tu sais comme moi que c'est fini ce temps-là. Quel temps ? Le temps de l'élève et du maître. Hé, hey, minute, gamin. Cette idée de l'élève et du maître, tu te l'es représenté tout seul. Je ne suis le maître de personne, de moi-même, et c'est déjà un sacré labeur, tu peux me croire. Alors comme ça, mes livres sont des romans d'opposition complices, hein ? C'est bien ça, la thèse que tu avances dans ton torche-cul. C'est une des idées que je tente de défendre, en effet. Apprends que la littérature relève forcément de l'opposition. D'accord. Mais dans ce cas, accepte à ton tour l'idée que toute opposition n'est pas de la littérature. C'est ce que tu penses de moi ? De vous, Richard. Car il n'y a pas que toi. Je dis que c'est touchant, ça peut éventuellement émouvoir. C'est fait pour, d'ailleurs. Mais ça manque cruellement de vérité, de sincérité, à tous égards. Les bons sentiments se trouvent à chaque page, dans tous les dialogues, dans toutes les descriptions. Les bons sentiments n'ont aucun intérêt en littérature. Tout comme la morale. Je suis désolé, Richard, mais tu empiles les clichés du noir, tout comme l'oncle Tom avec sa force physique exceptionnelle, son allure caricaturale de l'esclave ne sachant ni lire ni écrire. Tom n'a pas de sexe. Est-ce que tu trouves ça normal ? Je mentirais si je disais que je n'ai pas aimé tes livres. Je les ai aimés en pleurer. Mais je n'étais encore qu'un enfant. C'est fini maintenant. C'est du passé. Je sais que ce sont de mauvais romans. Aujourd'hui, je ne suis plus ton élève, Richard. Mes idées ne sont pas tes idées, mais les miennes à présent. Tu vas devoir t'y habituer. Pour moi, tu n'es qu'un traître qui a les dents qui rayent le parquet. Ce n'est pas que moi que tu trahis, James. Ce sont tous les Noirs américains parce que tu t'en prends à la seule véritable arme que nous ayons, la protestation. Tu t'es servi de moi, tu t'es servi de mes écrits aussi, et maintenant que tu veux être toi-même, je suis comme un obstacle gênant pour toi, pour ton ascension. Mais ne te raconte pas d'histoire, James. Tu restes un traître. Un traître et un PD. Un traître et un PD. À l'aéroport, s'il vous plaît. C'est vrai. Je me suis servi de tes œuvres, Richard. Je m'en suis servi comme tremplin pour les miennes. Ce qui t'a blessé dans ma démarche, c'est qu'elle n'était pas humaine. Mais Richard, tu étais mon idole. Mon père. Tu n'étais pas humain. Tu étais mon idole. Et les idoles sont créées pour être détruites. Je suis venu à Paris pour fuir les États-Unis. Et parce que je savais que tu y étais. J'espérais me trouver ici, loin de la congestion irrespirable du ghetto. Ce que j'ai gagné ici, c'est l'invisibilité. C'est déjà pas mal de n'être pas montré du doigt, non ? Mais au fond, on n'est pas logé à la même enseigne que les Noirs africains. Ceux des colonies françaises. Eux, c'est nous, là-bas. Ils vivent ensemble, groupés, dans des conditions inacceptables. C'est une des raisons pour lesquelles je rentre chez nous. Car je crois avoir vu et compris des choses qui pourraient être utiles à notre pays. Dès qu'on se rend compte qu'il y a les autres pays du monde, monde, ben vraiment les autres pays, et ils sont tous dans un autre pays. Tu peux voir, moi j'ai pu vivre mon Amérique de loin, plus clairement. D'abord parce que je n'étais pas dedans, je n'étais plus menacé directement. Et je pouvais voir la façon dont le nouveau monde était né. Ça me faisait une espèce de clé pour mon pays, puisque tout le monde sortait d'ici, enfin de plus ou moins de l'Europe. Mais dès qu'on parle des Noirs, vous tous deviennent blancs. Et ça, c'est très ironique, il me semble. Mais dès que j'ai commencé à me rendre compte de cela, j'étais libéré d'une autre chose. J'étais libéré de mythes, de... Comment dire, j'étais libéré de mythes de que mon pays était le seul pays raciste du monde. Et puisque j'étais ici au début de... ici quand même, à l'époque de Suez, j'étais ici pendant les drames avec la Tunisie et surtout au début de la guerre entre la France et l'Algérie. Et là aussi, j'ai beaucoup appris parce que vous les Français, en parlant des Algériennes, à moi, tu m'es étonné parce que vous racontez sur le pauvre Algérien la même chose dans le même langage que les Blancs américains me toujours décrit tous les fautes, tous les vices, tous les limites, toutes les sauvageries qui étaient sur mon dos en Amérique, qui étaient sur le dos de l'Algérien ici en France. Et là, j'ai pigé quelque chose de normal. En fait, j'ai pigé que cette doctrine de la suprématie blanche qui est malade, mais pas encore mort, était, pensé dire, universelle. Baldwin, l'exilé de Paris, de Sharif Gattas. Avec Makita Samba, James Baldwin, Sharif Gattas, Richard White, William Edimo, Eugène Worth, Grégoire Boja, Saul Bello, Morgan Hainaut, Hélène Poplard. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Claire Levasseur, Antoine Viossa. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux et Romane Chiban. Réalisation, Cédric Ossir. I've been low, I've been high, I've been sold all my lies. I've got nothing left to play, I've got nothing left to say. I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white. I'm in love, but I'm still sad. I found peace, but I'm not glad. All my nights and all my days, I've been trying the wrong way. I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white world. I feel like I've been here before, I feel that knocking on my door. I feel like I've been here before, I feel that knocking on my door. And I've lost it. Affaires sensibles, la fiction. Alors, puisque nous allons parler de James Baldwin, nous allons écouter un témoin majeur, Raoul Peck. En 2017, à l'occasion de la sortie de son film I'm Not Your Negro, il parle de James Baldwin. J'ai eu la chance et le privilège de connaître Baldwin très tôt. J'ai lu Baldwin à la sortie de mes années d'école, de mon baccalauréat. Et le premier livre que j'ai lu, c'était « The Fire Next Time »,« La prochaine fois, le feu », et qui est un livre qui m'a changé totalement. J'ai quitté Haïti à l'âge de 8 ans, avec dans la tête toute l'imagerie hollywoodienne sur l'Afrique. Et j'ai été retrouver mon père qui travaillait depuis un an au Congo. Et déjà en débarquant, je me rends compte que l'Afrique qu'on m'avait racontée, que Hollywood m'avait racontée, n'était pas l'Afrique que je découvrais. Donc la contradiction déjà était là. Donc je me retrouvais dans un monde duquel je me méfiais. Et le questionnement a commencé là. Et Baldwin a été pour moi une manière de mettre en forme et de structurer des contradictions que j'étais confronté. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Baldwin, l'exilé de Paris, notre invité Virginie Depardieu, l'auteur du livre James Baldwin chez Belin. Bonjour Virginie Depardieu. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes maître de conférences en littérature et civilisation américaine à l'Université du Havre, Normandie. Vous avez soutenu votre thèse de doctorat sur les romans de James Baldwin, précisément, et vous avez publié deux ouvrages, dont James Baldwin chez Belin et Hélas, mon père chez L'Harmattan. Alors, si vous avez choisi Baldwin pour votre thèse de doctorat, c'est qu'évidemment, il vous intéressait, c'est la moindre des choses, mais il devait même vous passionner, il vous passionne encore. Pourquoi cet homme et son œuvre vous passionnent autant ? Alors, on vient d'écouter Raoul Peck, qui a exprimé, disons, comment il avait découvert James Baldwin. Pour ce qui me concerne, je n'ai pas eu la chance de découvrir James Baldwin au lycée, puisque malheureusement, James Baldwin n'est pas très étudié en France, n'est pas même très connu malheureusement, ou n'est plus très connu en France. Moi, je l'ai découvert par le biais d'amis américains qui tout simplement m'ont offert deux de ses romans, La Chambre de Giovanni et Un autre pays. Et j'ai vraiment été frappé par l'écriture, par les thèmes de Baldwin. Et vraiment, si vous voulez, en plus, à l'époque, c'est vrai que je cherchais un petit peu quelque chose qui allait me toucher profondément pour faire une thèse. Et donc vraiment, je crois que Baldwin a touché quelque chose de très intime en moi. C'est quoi ? Même si c'est intime, pardon, vous posez la question. Par définition, on ne pose pas la question. Mais... Je pense que la grande question, le grand questionnement de Baldwin, c'est l'identité. C'est-à-dire, en fait, qui est-on ? Et à tout point de vue, qu'est-ce qu'être un homme ? Qu'est-ce qu'être une femme ? Qu'est-ce qu'être un être humain ? Qu'est-ce qu'être noir, évidemment, qu'est-ce qu'être blanc, enfin, tout un kaléidoscope d'identité, en fait, si on peut dire. Alors justement, concernant l'homme noir, vous écrivez que dans votre recherche, vous vous attachez plus particulièrement à étudier les stéréotypes liés aux Afro-Américains. Alors que pensez-vous de cette phrase, tirée d'un article sur Baldwin, écrit par Christiane Taubira pour Le Monde, « James Baldwin est l'invention du nègre ». Alors, l'invention du nègre, je ne sais pas si on peut vraiment dire qu'il a inventé le nègre, mais il a fait prendre conscience, en fait, que le nègre était une invention du blanc. Et que, en fait, il n'y aurait pas d'homme noir et tous les stéréotypes et tout ce qui s'attache au fait d'être noir si l'homme blanc n'avait pas eu besoin, à un moment, de créer l'homme noir. Enfin, l'homme noir, j'entends par là, bien sûr, l'homme, la femme noire. Bien sûr. Alors, il n'y a pas de négro question aux États-Unis, dit Baldwin, comme il n'y a pas de question noire en France. Baldwin décentre pour mieux recentrer. La question est celle de la violence institutionnelle et des mensonges que l'Amérique se raconte sur sa propre histoire. Dans un article, en fait, écrit pour la sortie du film de Raoul Peck sur James Baldwin, à partir d'archives, qui, selon Christiane Taubira, sont exceptionnelles, justement, dans ce film, car seul Baldwin parle. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette notion ? La question est celle de la violence institutionnelle et des mensonges que l'Amérique se raconte sur sa propre histoire. C'est intéressant ce qu'elle dit. tout à fait. C'est vraiment fondamental. Je pense que Baldwin a vraiment centré tout son travail sur l'idée de dénoncer tous ces mensonges américains sur lesquels, évidemment, étaient fondés les mythes de l'Amérique. Et on peut voir que ces mensonges continuent de nos jours. Hein. Le refus de l'Amérique blanche de se confronter à son passé, d'accepter évidemment ses responsabilités vis-à-vis du noir, vis-à-vis de ce que les noirs vivent encore de nos jours. Ça, c'est vraiment encore extrêmement présent dans l'Amérique de Trump, hein, bien sûr. Et Baldwin a vraiment voulu insister sur cela. La violence, vous parlez de la violence. La violence, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans l'œuvre de Baldwin. Il y a une violence qui est à la fois une violence physique, atroce, hein, mais il y a aussi une violence qui est une violence beaucoup plus sourde, cachée, la violence de tous les jours, le fait que l'être noir est submergé de stéréotypes, dans son environnement est complètement... immergé dans un monde blanc et qui lui fait croire qu'il est noir. Et dans ses romans, la vérité est crue, d'ailleurs. La révolte, elle est incontournable, la violence, elle est inévitable, on l'a dit. Et pourtant, il y a aussi beaucoup d'humanité, presque un espoir dans ses luttes contre le racisme, notamment le regard que porte le blanc sur le noir. Dans son livre Harlem Quartet, son sixième roman, je crois, traduit en français chez Stock, il y a une scène terrible où Baldwin décrit les sentiments troubles du jeune Arthur envers un homme âgé qui le fait monter dans sa chambre. Arthur éprouve presque une sorte de gratitude naïve et innocente envers cet adulte, car il s'intéresse à lui, tout simplement. Il s'intéresse à lui, le petit nègre stupide. C'est le constat est très, très très dur. C'est caractéristique, ce genre de constat chez Baldwin, sans phare. Hein, c'est-à-dire qu'il aborde la vérité telle qu'elle est, quoi. Oui. Baldwin vient de l'Église et il a toujours dit qu'en fait il voulait témoigner de la vérité. C'est-à-dire qu'il a été un genre de témoin. Il a vu, il a expérimenté, il a fait l'expérience. Et il veut transmettre ce message. Et donc, vraiment, la vérité pour Baldwin, c'est quelque chose de fondamental. On peut dire que ça a construit toute l'œuvre de Baldwin, d'où évidemment ce refus du mensonge. Et oui. Aller vers la vérité, dénoncer évidemment tout ce sur quoi l'Amérique est fondée, c'est-à-dire sur un très très grand nombre de mensonges et de mythes, et essayer d'arriver à cette vérité. Et quand vous parlez de cette grande humanité, je pense que là, c'est vraiment fondamental, la vérité sur l'être humain. Et je venais de dire qu'il est issu de l'Église. Il était prédicateur, bon, oui, bien sûr. Il a été prédicateur pendant assez peu de temps, en fait, de 14 ans à 17 ans. Il a très vite compris, en fait, que l'Église était un carcan et que l'Église, elle aussi... disons, produisait ses mensonges, etc. Mais il a conservé une religion, il a conservé un très grand optimisme, beaucoup d'espoir en l'amour. L'amour, dans un sens très très large, c'est-à-dire en fait l'idée que l'on doit prendre toujours en compte son prochain, donc l'autre. Ce prédicateur, en fait, est, si je puis dire, d'abord l'apôtre de la vérité. Tout à fait, tout à fait. C'est exactement ça. Il doit comme lui a eu la possibilité, un peu comme le prophète dans la Bible, a eu la possibilité d'avoir accès à cette vérité, c'est son devoir de transmettre cette vérité et d'ouvrir les yeux, en fait, ouvrir les yeux, les oreilles, etc., de l'humanité. Ne pas se voiler la face, on pourrait le résumer également. Tout comme à ça, fait. Virginie Depardieu, on va se retrouver dans 3 minutes, le temps de souffler un peu, et on continuera à parler de M. Baldwin et de son enseignement. Car c'est bien ça, finalement, c'est un enseignement hein, qu'il nous livre. We just wanna party. Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. This This is America. Don't got you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dull like, yeah. Woo. We gon' blow like, yeah. Slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. Look how I'm geeking now. I'm so fitted. I'm on Gucci. I'm so pretty. I'm gonna get it. Watch me move. This is selling. That's a tool. On my Kodak. Black. Know that. Hundred bands. Contraband. I got the plug on who a hawker. Whoa. They gonna find you like Paco. Blah. Ooh, America. I just checked my following. Listen. You motherfuckers owe me. Get your money, black man. Black man. Get your money, black man. Black man. Get your money, black man. Black man. Get your money. Virginie Depardieu, nous nous retrouvons pour parler de James Baldwin, à qui vous avez consacré votre thèse à Baldwin, vous dites Baldwin, vous avez bien raison d'ailleurs, ça me donne des complexes de dire Baldwin. Alors, en 1943, Harlem connaît deux jours d'émeutes raciales et le père adoptif de James Baldwin meurt. Est-ce que la mort de cet homme, ou le fait qu'il n'ait pas connu son père biologique, ce qui est décisif, hein, quand Baldwin parle de l'intolérable amertume qui avait submergé l'âme de son père, est-ce qu'il ne craint pas, il n'a pas craint que cette vague ne le submerge à son tour? La mort de son père est vraiment quelque chose de marquant dans la vie de Baldwin. Son père était quelqu'un de particulièrement dur. Au niveau de l'éducation donnée, les valeurs transmises. Et c'est, en fait, Baldwin a haï pendant très très longtemps son père. Et le jour où il est mort, il s'est senti à la fois libéré, mais aussi, bien sûr, il a senti le poids de la perte de ce père qui, comme vous l'avez bien précisé, n'était pas son père biologique. Non. Ça, c'est quand même très important. Et donc, je pense que c'est vrai qu'en 43, il sent déjà que rester aux États-Unis, à Harlem, c'est quelque chose de dangereux pour un jeune homme de son âge. Il risque, comme beaucoup, beaucoup de ses pères, de mal finir, tout simplement. Hein? Délinquance, drogue, etc. Donc il a cette réflexion-là. Elle est personnelle, cette réflexion. Finalement, c'est un chemin personnel, un destin personnel qui se forge. Il pour échapper au déterminisme qui aurait pu être celui d'Harlem et de laisser effectivement dans Harlem et de dériver. Il y a une volonté personnelle, non? Il y a une volonté personnelle. Il sent qu'il y a quelque chose en lui qui le pousse à... Enfin, c'est un peu compliqué. En fait, il va chercher refuge dans l'Église, si vous voulez. Après, il se rend compte que l'Église ne peut pas lui apporter ce refuge. Il est toujours en conflit avec son père. Bon, il y a bien sûr le problème de l'homosexualité qui n'est pas avouable à l'époque, et même lui n'est pas tellement sûr de son identité sexuelle. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se grèvent. Je ne pense pas que ce soit... C'est quelque chose de, à la fois d'intime, et c'est quelque chose qui est ressenti aussi par beaucoup de jeunes à Harlem, de jeunes hommes essentiellement, ce risque de tomber dans la délinquance, etc. Lui, en quelque sorte, à cause de son père, a été protégé de ce funeste destin, comme vous l'avez dit, par le fait qu'il s'est réfugié aussi dans les livres, dans les études, au lycée, etc., et qu'il est devenu un très très bon élève. Et le refuge, finalement, son refuge, c'était la poésie, la littérature. C'est ça qui... Exactement. C'est la poésie et la littérature qui ont sauvé l'enfant des rues, le jeune noir. Exactement. Bon. Exactement. Et tant mieux pour nous, hein, parce que finalement, il nous a transmis. Oui, ça c'est sûr. Voilà, c'est du gagnant-gagnant, cette histoire. Alors revenons à ce moment qui est au cœur de la fiction et marque la vie de James Baldwin. Pourquoi quitte-t-il les États-Unis et pourquoi arrive-t-il en France? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Un grand tournant de sa vie. Grand tournant de sa vie. Il se rend compte tout simplement que s'il reste aux États-Unis, il n'arrivera pas à écrire et il risque même tout simplement de mal finir. Cette fois-ci, mal finir, ça veut dire peut-être finir en prison ou même lyncher s'il fait quelque chose de répréhensible dans le sud des États-Unis, par exemple. Il y a cette scène célèbre où on lui refuse de le servir dans un café qui subit la ségrégation. Et donc, il a cette réaction très violente. Il ne peut pas supporter, une fois de plus, cette séparation entre les Noirs et les Blancs et ce fait qu'on lui refuse, en fait, son humanité. Dans la fiction, on assiste à une scène très dure, violente même, entre James Baldwin et Richard White. Baldwin l'accuse dans un article d'opposition complice et de faire le jeu des Blancs. Virginie Depardieu, qu'en pensez-vous? Alors, bon, il faut replacer tout ça dans un contexte, le contexte du mouvement des droits civiques, où vous avez quand même disons, toute une mouvance plutôt réformiste, qui est celle de Martin Luther King, qui utilise le pacifisme, hein, pour essayer d'obtenir des changements. Et puis, vous avez un côté un peu plus révolutionnaire, d'abord par la nation de l'islam, les musulmans noirs. Et puis, vous avez ensuite, évidemment, mais un petit peu plus tard, en 1966, vous aurez le Black Power. Le fait est que Baldwin a toujours considéré qu'il ne fallait pas haïr les Blancs. Que, en fait, les Blancs agissaient de cette manière parce que, évidemment, ils avaient besoin de Noirs. Donc, il a toujours essayé de faire comprendre aux Blancs que il n'y avait pas, comme vous l'avez dit, de problème noir aux États-Unis, parce qu'en fait, c'est un problème blanc. Oui. Ce sont les Blancs qui ont un problème avec le noir, c'est pas le contraire, c'est pas les Noirs qui posent un problème, c'est les Blancs qui ont créé le noir, et que le noir leur pose un problème. Parce que maintenant, évidemment, il ne veut plus rester à sa place. Donc il n'y a pas de question noire, il y a une question blanche. Exactement, c'est exactement ça. Il n'y a pas de Negro question, de Negro problem, il y a, bien sûr, cette question, en fait, blanche. D'ailleurs, dans ses essais, Baldwin réfléchit sur la psyché blanche, en fait. Ce qui se passe dans la tête des Blancs lorsqu'ils sont amenés à haïr un Noir, à lyncher un Noir, à aller jusqu'à émasculer un Noir, etc., etc. À la fin de votre livre, vous écrivez l'ensemble de la vie de James Baldwin a consisté à mettre en ordre la maison Amérique comme si cela relevait d'une mission divine. Mais en ordre, ta maison, quel sens la prend-il chez Baldwin? Alors c'est issu bien sûr de la Bible. Puisque Baldwin n'est jamais totalement sorti de la Bible, il est sorti de l'Église, mais pas de la Bible. C'est ce qui l'a totalement formé. Mettre ordre à la maison Amérique, c'est justement en fait essayer de faire prendre conscience à la majorité blanche que le problème vient d'eux et que la solution ne viendra que d'eux, mais d'une manière, si vous voulez, en faisant un examen de conscience, en faisant un travail sur la psychologie, en essayant de comprendre ce qui a amené l'homme blanc à avoir besoin de l'homme noir, de la négritude, de tous les stéréotypes qui sont liés à la négritude. Dernière chose, quelle place laisse-t-il dans la littérature et comment le voient les intellectuels aux États-Unis? Qu'est-ce qu'il représente? Alors Baldwin est encore très très très présent chez les intellectuels américains, évidemment afro-américains, bon, Toni Morrison, enfin tous les grands vraiment écrivains afro-américains contemporains sont redevables, évidemment, hein, à Baldwin. Pour ce qui est des intellectuels blancs, je dirais que c'est un petit peu différent. Régulièrement, je pense qu'il y a un réexamen de ce que Baldwin a dit, on relit Baldwin, et régulièrement on se rend compte que Baldwin, malheureusement, disait vrai. Et que, malheureusement, ça n'a pas tant changé que cela. Et quand on voit évidemment tout ce qui se passe avec l'élection de Donald Trump, ça c'est quand même assez inquiétant, puisqu'en fait on se rend compte qu'on fait presque, à la rigueur, un petit peu marche arrière, hein, par rapport à l'époque Obama, où on avait peut-être un espoir d'arriver à une Amérique post-raciale, en fait, qui aurait résolu le problème de la race, ce qui, évidemment, ne s'est pas produit du tout. Bien, ce sera le mot de la fin. Merci Virginie Depardieu. Je rappelle que vous étiez dans les studios de France Bleu au Havre, que nous remercions pour leur accueil. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, la fiction, aujourd'hui Baldwin, l'exilé de Paris, une fiction écrite par Charlie Attas, réalisée par Cédric Ossir, émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet et réalisée par Anne Nioro, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Grégory Wallon et Julien Michel.